Bonjour à tous qui êtes ici présents aujourd'hui et je vous en remercie infiniment. Ainsi qu'à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui vont nous écouter ce soir, nous allons passer en revue un sujet particulier qui s'appelle la suspension de la dissolution d'un mouvement. C'est donc le sujet principal. Et maintenant, les soulèvements de la Terre. Donc ce sujet va être effectivement compliqué, complexe et intéressant. Je vous laisserai le découvrir. Nous avons également pour la partie musicale Jean-Claude Vorgy qui vient nous présenter son nouveau CD ainsi que son recueil de poésie. Donc le sujet, je le développerai après la première chanson de Jean-Claude que je vais laisser venir nous présenter. Bonjour à tous. Alors oui, j'ai commis un CD dernièrement avec plein de musiciens. Donc je vais vous faire deux, trois chansons qui sont présentes sur ce CD, mais de façon beaucoup plus orchestrée, bien sûr, avec des musiciens très performants. Et puis j'ai aussi un recueil de textes voilà, que j'ai publié où il y a toutes mes chansons, il y en a une soixantaine, et puis d'autres textes aussi qui ne sont pas des chansons. Voilà. Alors pour le moment, ben on s'est procuré auprès de moi parce que voilà, j'ai pas de distributeur, j'ai fait ça moi de façon très, très artisanale, on va dire. Hein. Voilà, c'est moi qui vends mes disques, qui essaie de me produire à droite à gauche pour justement faire la promotion. Et puis, si vous voulez un album, ben, vous me contactez. Voilà. Aux chansons en vente au jardin de Alors, le recueil des textes est en vente au Jardin de Cocagne, oui, exact. Voilà. Merci, et autrement, quelle est l'adresse mail avec laquelle tu m'envoies Et c'est mon nom, c'est JCL pour Jean-Claude, JCL Vorgy, tout attaché, gmail.com. Voilà. Et ORGY, oui. Je dis fréquemment, je m'appelle Vorgy, mais appelez-moi Orgy parce que le V n'est rien. Si tu me donnes un jour pour repeindre le monde, pour donner des couleurs au gris du quotidien, habillé de douceur, ce qui crie, ce qui gronde, enjoliver nos vies de plaisirs musiciens, je prendrai ton sourire pour le porter aux cieux comme un nouveau soleil. Une douce lumière qui saura inonder l'amour, ce bien précieux, et nous pourrons goûter au bonheur d'être frères. Si tu me donnes un jour pour faire danser les fleurs et rire les enfants aux argent enchantés, un jour pour me trouver le frisson, la ferveur et l'envie partagée de tout réinventer, je prendrai ta candeur, source fraîche et naïve, ignorant les chemins où vont les préjugés. Je couvrirai la terre de cette force vive et nul ne sera plus pour l'autre un étranger. Si tu me donnes un jour pour faire une chanson qui guérit les tourments des âmes déchirées, un brin de mélodie dévoilant l'horizon où se cachaient les fruits de printemps oubliés, je prendrai ta parole et le vent de ta voix, j'y poserai l'oiseau céleste virtuose et sa chanson rieuse, messagère de joie, nous dira la beauté des hommes et des choses. Si tu me donnes un jour. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vous laisse juste apprécier ce que vous allez retrouver sur le CD. Voilà. Donc, cette fameuse suspension de dissolution, j'aimerais faire déjà une introduction. Déjà, j'aimerais dire que la loi de 1936, du 10 janvier 1936, autorisant la dissolution d'associations, il y a déjà eu près d'une centaine de décrets de dissolution depuis 1936. Donc une centaine. Il n'y a pas que des associations, il y a aussi des mouvements. Il y a également toutes sortes d'organismes plus ou moins associatifs, on va dire ça comme ça, mais pas automatiquement de l'association de 1901. Maintenant, il faut comprendre qu'effectivement, cette suspension, c'est la suspension d'un référé, c'est-à-dire ils n'ont pas traité ni du fond ni de la forme. Ils n'ont pas traité de la chose, ils ont simplement traité de la demande. Est-ce que cette dissolution était possible ou pas possible ? Voilà, c'était la première question. Alors maintenant, venons-en au soulèvement de la terre, parce qu'effectivement, il y a aussi une introduction à ce sujet. Qu'est-ce que c'est que les soulèvements de la terre ? C'est effectivement un regroupement d'une centaine d'organisations et de collectifs, ainsi que de nombreux soutiens individuels, une coalition, une multitude de luttes locales. Le symbole est le symbole de l'électricité à la terre. Ça, il faut le savoir aussi, c'est intéressant. Et donc, ce mouvement est né en janvier 2021. À l'intérieur des soulèvements de la terre, il y a par exemple la Confédération paysanne, il y a les Amis de la Terre, il y a ATTAC, il y a Youth for Climate, oui, je sais pas, oui, Youth for Climate, oui, mais en français, ça donne Youth for Climate. Extinction Rébellion, Alternativa, et puis des personnes qui ont, il y a 110 000 personnes qui ont signé la pétition. Voilà, donc, ce qui a déclenché la demande de dissolution, c'est l'intrusion de 150 activistes dans l'usine Lafarge le 10 décembre 22, à Marseille, tout à fait. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette fameuse usine Lafarge, elle a des dérogations pour le droit à la pollution double de la normalité. C'est donc des fabricants de béton hein, qui brûlent des pneus, juste pour dire. Hein. C'est considéré comme un acte de terrorisme matériel. Il faut comprendre que effectivement, ces 150 activistes n'ont pas dit qu'ils faisaient partie des soulèvements de la terre. Simplement, ils n'arrivent pas à les retrouver parce qu'ils ont fait ça très bien. Et en même temps, les soulèvements de la terre ont relayé l'information et ils sont partis du principe que vu qu'ils relayaient l'information, c'était eux qui avaient organisé. Voilà. Mais d'autres avaient aussi relayé l'information. Donc, il faut comprendre quand même que, effectivement, les soulèvements de la terre ne sont pas une association déclarée, clairement. Et en même temps, il y a 60 000 personnes qui en font partie via des collectifs et des associations. Mettre tout le monde en prison, c'est un petit peu beaucoup de monde, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas uniquement une vingtaine de personnes acharnées. Donc, les soulèvements de la terre, c'est une dynamique horizontale et organique de 60 000 sympathisants qui est venue maintenant à 110 000 sympathisants. Selon Véran, ça peut être considéré comme une association parce que c'est un collectif qui est considéré comme constitué, un groupement de fait. Voilà ce qu'il dit comme argument. En fait, c'est un groupement d'écologistes et de contestataires. Et tout le monde est personne, en fait. Et donc, d'après Véran, c'est la présence sur les réseaux sociaux, les têtes de pont identifiées, les modalités de réunion, une appellation, un logo. Le gouvernement dit qu'il a assez de preuves à charge pour montrer que le groupe met en danger la sécurité publique. Donc c'est intéressant aussi de savoir les propos. Hein. L'usine Lafarge, par contre, il faut aussi savoir ça tant qu'on y est, hein, dans les informations. Et c'est un groupe qui donne des millions à des terroristes du Proche-Orient, quand même, juste pour dire un peu ça. Hein, voilà. Et qui est effectivement dans une production de pollution qui dépasse tout entendement, vraiment. Donc, le gouvernement défend l'économie au détriment de l'écologie, ça c'est sûr. Maintenant, les soulèvements de la terre, ils parlent du droit à la désobéissance civile parce qu'ils estiment qu'il n'y a que de la dégradation matérielle. Eux, ils appellent ça un désarmement de la pollution. Donc, en 2022, en 2023, les juges ont suspendu la dissolution, donc au mois de, je ne sais plus exactement, comment ? Début août, voilà. Ils ont suspendu cette dissolution. Et il faut comprendre aussi qu'ils l'ont suspendu parce que apparemment c'est compliqué. Alors, quoi voir là-dedans ? Quoi penser ? Le débat va peut-être nous apporter des éclairages qu'on n'imagine pas. Les soulèvements de la Terre, c'est quand même d'autres manières de vivre ensemble sans dévaster la planète. Et il y a une urgence et il y a un possible. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, je pense avoir résumé la situation. Et maintenant, nous allons démarrer le débat à qui veut bien intervenir en premier. Bernard. Mais effectivement, on est dans un processus judiciaire normal. Il y a une décision qui a été prononcée, je le rappelais, au lendemain de Sainte-Soline, même si on argue les faits de Marseille pour cette dissolution. Mais c'est au lendemain de Sainte-Soline, sous pression de la FNSEA, puisqu'on a bien entendu que Darmanin avait attendu pas mal de temps après Sainte-Soline pour... Il avait prononcé le mot dissolution, mais pour entamer la procédure de dissolution, les soulèvements de la terre qui ont estimé avoir une mesure injuste en leur, dans leur direction ont fait appel au Conseil d'État, qui a décidé de suspendre. Il aurait pu ne pas suspendre. Hein. On n'a pas trop son argumentation. On a quelques éléments d'argument. Et puis, il statuera sur le fond plus tard. Hein. Et il est possible, bien que connaissant beaucoup de monde au Conseil d'État, on ne doute pas du courage des juristes du Conseil d'État, mais on peut penser qu'ils sont assez souvent alignés sur le pouvoir politique, ou trop souvent alignés. Donc, on verra bien. Et puis, si les soulèvements de la Terre sont dissous, et pas dissolus, mais s'ils sont dissous, ils pourront renaître sous une autre forme. Donc c'est ce qu'ont fait tous les mouvements d'extrême droite depuis les années 36, quand ils ont été dissous. Vas-y, Claire. Oui, juste pour rebondir, je ne sais pas si c'est il y a quelques jours ou quelques semaines, l'association, le parti, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, d'extrême droite, Civitas, a été dissous, mais avant même leur dissolution, parce qu'ils savaient que ça allait advenir, ils sont déjà organisés sous d'autres noms. Oui, je voulais parler de l'illusion de vouloir dissoudre un mouvement. Un mouvement étant un élan et non pas une structure, à mon avis, il existe deux moyens de dissoudre un mouvement. C'est soit le contentement du mouvement, soit la peur, le contentement du mouvement, c'est-à-dire c'est le mouvement qui aboutit, parce que, qui n'existe plus parce que il a atteint son but, ou alors c'est la peur qui est exercée par une force inverse, et c'est on peut dire le terrorisme d'État qui voudrait dissoudre un mouvement. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, une dissolution, ce n'est qu'en fait une petite danse on va dire, de plaisir, de se faire plaisir, dire on dissout, mais en fait, on ne dissout rien, puisque de toute façon, ça renaît d'une autre manière. Jean-Luc. Le 21 juin 1973, à l'issue d'une grosse manifestation, Ordre Nouveau et la Ligue communiste révolutionnaire ont été dissous. Juste pour information, la dissolution d'un mouvement, ça quand même, ça impacte très fortement et très méchamment quand même l'organisation du mouvement. Ceci dit, la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire qui a été dissoute, bon, elle est réapparue quelques temps après sous le nom de Nouveau Parti anticapitaliste, le NPA. Voilà. Mais en attendant, c'est quand même, ça fait quand même des dégâts au niveau de l'organisation du mouvement, quoi, momentanément. Après, c'est vrai que sur le reste, je suis d'accord avec tout le monde. Oui, alors si j'entends bien, ça veut dire que ça ferait peur à certaines personnes qui ne participeraient plus, en quelque sorte. C'est ça que tu veux nous dire, Jean-Luc ? Non, pas forcément. C'était pas ça, forcément. Non, non, simplement, c'est un problème de désorganisation du mouvement au moment de la dissolution. Enfin, moi, j'ai un copain qui m'a parlé de la dissolution de la LCR en 73. C'est un sacré bazar, quoi. Et les responsables de la LCR, bon, ils se sont quand même cachés quand même pendant un certain temps pour pas être enquiquinés par la justice. Bon, après, ils l'ont été certainement, mais au moment de la dissolution, ça fait un sacré... Ça occupe beaucoup de monde dans la police. D'accord. Et par rapport à cette dissolution, est-ce qu'il y a des personnes ici présentes qui pourraient peut-être nous dire les premières réactions qu'il y a eu dans les mouvements de soulèvement de la terre ? Voilà. Je continue. Ben, suite à la dissolution, parce que donc en fait les mouvements, le groupe des, il y a eu deux groupes qui sont créés spontanément dans les Vosges, un sur la montagne, un sur la plaine. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu, il y a eu une deuxième réannonce du soutien de dissolution, et à chaque fois, il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont venues aux réunions. Parce qu'on était en train de se constituer en tant que groupe vosgien de soutien au soulèvement de la terre, et à chaque réunion, on avait de plus en plus de nouvelles personnes. Oui, c'est ça le mouvement. Qui veut intervenir ? Alors moi, je voulais dire que arrêter un mouvement, enfin, ça me semble complètement utopique. Il faut s'imaginer une foule qui avance, et on ne peut pas arrêter une foule qui avance. Donc arrêter un mouvement, ça voudrait dire mettre un mur, donc ça voudrait dire que les gens s'écrasent contre le mur. Donc dans ce cas-là, ça deviendrait un état totalitaire qui écraserait totalement un mouvement, ou tout au moins autoritaire. Non, j'ai l'impression que c'est des décisions politiques qui sont des coups de communication pour montrer leur force éphémère, on va dire. Mais en fait, on ne peut pas arrêter un mouvement. Ça m'a fait penser à François Hollande en 2015 qui voulait déchoir la nationalité des terroristes. Et je me suis dit, je me suis dit la même chose, en fait, quand tu es français, si on t'enlève ta nationalité, que tu sois terroriste ou pas, si on t'enlève ta nationalité, tu vas où ? On te reconduit à la frontière et du coup, tu habites sur le trait de la frontière parce que t'es que français, t'as pas d'autre nationalité. Tu deviens apatride. Donc tu deviens apatride, mais... Alors, apatride, je suppose qu'il y a des gens qui sont apatrides. Mais comment faire, puisque tu arrives dans un autre pays, on va te rejeter. Donc, enfin, pour moi, c'est des choses qui sont tellement idiotes, abstraites. Alors, peut-être que ça existe quand même, mais pour moi, ça me semble complètement impossible, quoi. C'est des choses impossibles. Arrêter un mouvement ou voilà, ce genre de choses. Et Pierre, tu sais, les Juifs en 1940 sont devenus des apatrides en France. Et ça a précédé leur déportation et le génocide. Hein. Donc ça, c'est très, très important. Moi, je pense qu'il faut... Puis je te passe la parole, excuse-moi. Mais parce que j'étais à côté de Pierre, j'en profite de façon éhontée. Et je pense qu'il faut relier cette volonté de dissolution à toutes les autres annonces. Hein. C'est-à-dire, on a retiré son agrément à Anticor. La première ministre a évoqué de dissoudre la Ligue des droits de l'homme. Hein? Donc, j'en oublie peut-être, hein, mais on voit bien qu'il y a toute une constellation située plutôt, on va dire, à gauche de l'échiquier politique, peu importe les mots. Hein, et c'est, pour moi, une des premières fois depuis 1936 où les pouvoirs successifs se sont attaqués aux ligues d'extrême droite. Il y avait même le délit de ligue, reconstitution de ligue dissoute, où on prévoyait que si on reconstituait, on pouvait être puni d'emprisonnement. Hein. Donc ça, on se tourne de l'extrême droite vers la gauche, pour parler simplement. Oui, parce que jusqu'à maintenant, moi j'ai regardé les centaines, donc vous pouvez regarder ça sur Wikipédia, hein, les centaines d'associations qui ont été depuis le décret de 1936, du 10 janvier 1936, c'est essentiellement des extrêmes droites, essentiellement des groupes islamophobes, essentiellement bon, il y en a un que j'ai trouvé un petit peu étrange, c'était le groupe antiraciste des Africains. Donc ça, ils l'ont dissolu, je ne sais pas pourquoi non plus. Mais en règle générale, effectivement, c'est extrême droite et en règle générale, c'est islamophobe. Ça, c'est sûr. Et donc, ça, ils ont arrêté. Maintenant, ils s'attaquent effectivement à, on va dire, l'extrême gauche. Voilà. On a changé de... L'islam. Et l'islam, voilà. L'islam et l'extrême gauche. Voilà, tout à fait. Claire. Moi, j'ai quand même l'impression que l'annonce de cette dissolution, bon, qui est suspendu, hein, ma foi, a eu l'effet inverse escompté, c'est-à-dire que des gens qui se sentaient peut-être pas complètement concernés ou un peu éloignés de ce genre de mouvance, a eu un regain d'intérêt et s'en rapproche. Donc, voilà. C'est ce que fait la censure, effectivement. Oui, moi, je voulais dire simplement que vouloir... Vouloir dissoudre les mouvements de la Terre, c'est en quelque sorte vouloir dissoudre la désobéissance civile. Et que, comme disait Claire, justement, ce fait-là fait qu'il y a encore plus de gens qui vont se prononcer en faveur des soulèvements de la Terre et des mouvements Alternativa, etc., enfin, voilà, qui sont liés à tout ça. Mais je relèverai ce qu'a dit Bernard, qui me paraît extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on on passe dans quelque chose d'un petit peu étrange. Entre autres, ça a été suggéré de dissoudre les droits de l'homme. C'est quand même un peu particulier. Il y a eu des choses aussi un petit peu étranges. Et c'est peut-être effectivement ce qui est intéressant de voir dans cette... dissolution et dans cette suspension, parce que ça va avec, dans le sens qu'ils ne savent peut-être pas très bien où ils en sont, c'est de passer d'extrême droite à maintenant extrême gauche. Voilà, c'est intéressant. Marie-Michel. En parlant de la Ligue des droits de l'homme, il y a eu un précédent fâcheux où ils ont déjà été menacés de dissolution et c'était sous le gouvernement de Vichy. Donc, ça situe bien la problématique en 1943, exactement. Intéressant, effectivement. Et quant à la censure, moi, j'ai un exemple personnel de censure. J'ai eu... mon frère, dans les années 90, a fait une émission qui était un petit peu olé olé sur Fun Radio. Puis à l'époque, il y avait 10 foules qui racontaient des grosses conneries. Et ils ont été censurés. Et ben, au moment où ils ont été censurés... L'émission, elle a fait un côté mais national, ça a été mais énorme. Autant on n'en parlait même pas, c'était le truc qui passait le soir entre 8h et 10h. Il répondait aux problèmes sexuels des jeunes dans les cités. C'était un truc vraiment très banal. Et tout d'un coup, paf ! Et la censure l'a fait mais grimper, mais incroyable. Donc je pense qu'effectivement, je rejoindrai Claire. En tout cas, moi, par l'expérience que j'ai vue, la censure, ça fait grimper, ça c'est certain. Tout à l'heure, j'entendais des personnes parler de la colère, de l'émotion de la colère, et comment elle pouvait être vécue vraiment comme négative, qu'il fallait jamais exprimer sa colère, parce que c'est pas bien. Et au contraire, si on la regarde autrement, comme une énergie, comme un message, une réaction de notre corps face à un événement extérieur, on peut transformer cette colère pour défendre ce qui nous tient à cœur. Et les soulèvements de la Terre, je trouve que c'est une colère qui émerge pour défendre les valeurs liées à l'environnement, à l'écologie, et vouloir le dissoudre, c'est un peu... on éteint la sonnette d'alarme, mais en attendant, l'incendie, il est toujours là, et la colère, l'énergie, elle est toujours là. Moi, je pense aussi très important, et je vais encore rebondir là-dessus quand même, l'idée qu'on passe, à la guérilla contre l'extrême droite, à la guérilla contre l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'on tombe... Moi, à mon avis, il y a quand même un pan d'histoire qui est en train de tourner actuellement et qu'on ne voit pas vraiment changer, mais qui change indirectement. Florian. Moi, j'aimerais bien soulever l'interrogation. Si on sait que, historiquement, censurer un mouvement le fait gagner en notoriété et qu'on voudrait finalement peut-être faire gagner un mouvement en notoriété ou, alimenter les extrêmes et créer un peu la pagaille, est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si tout ça, c'est pas voulu et orchestré ? Donc une dissolution sur un acte de terrorisme voilà, dont on ne sait pas vraiment qui c'est, quelque chose qui est tout de suite accaparé par les pouvoirs politiques et les médias, et finalement une suspension, on passe de 70 000 à 110 000, et je ne dis pas bien ou pas bien, mais est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander, ben, est-ce que finalement ce n'était pas intentionnel tout ça? Et tu parles de alimenter l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., et qu'en fait c'est toujours semer un peu plus le chaos, et derrière venir avec une solution miracle, comme l'histoire le montre aussi, toujours un peu plus liberticide, et qu'en fait, tout le monde y est perdant. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas, je comprends ce que tu dis, est-ce que c'est pas pour mettre en place quelque chose qui serait de l'ordre de cautionner plus de surveillance, cautionner plus de comme tu dis, de lois liberticides et autres, ouais. Par exemple, voilà, qui ferait qu'effectivement, on se pose des questions. C'est quoi au juste cette espèce de nappe nauséabonde dans laquelle on est en train de végéter. Oui, oui, voilà. C'est un climat de chaos social. Bernard ? Alors, je pense qu'un pouvoir, en mettant en place une dissolution, il gagne du temps. D'accord ? Ça lui permet de mettre d'autres mesures en place. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois ? Beaucoup de gens ont quitté Paris, sont allés habiter dans les campagnes. Qu'est-ce que fait le pouvoir ? Il remet des gendarmeries dans les campagnes. D'accord ? Ces gendarmeries-là vont être chargées, comme les brigades d'Emeter, etc., de faire la surveillance territoriale des mouvements dits violents. Co-terroriste ? Vas-y, Marie-Michel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que depuis quelques années, simplement le fait de revendiquer d'avoir une alimentation saine, donc de demander à ce qu'on arrête de bourrer nos aliments de pesticides divers et variés, je pense à un mouvement qui a un peu faibli par la période Covid, donc ça s'est un peu amenuisé, mais les gens ont toujours le même état d'esprit. C'est un peu moins organisé actuellement. Nous voulons des coquelicots, à un moment donné, poser souci. Et on a cherché à criminaliser ces gens-là qui se sont fait, certains, tabasser par des factions de la FNSEA dans un coin de champ. Il y a eu des choses, mais abracadabrantes, du style une garde à vue pour avoir dégradé les biens publics en dessinant à la craie un coquelicot et en marquant « nous voulons les coquelicots ». Et ils ont monté cette cellule d'Emeter, justement, pour aller casser de l'écologiste. Oui. C'est complètement aberrant. À un moment donné, ils parlaient même de supprimer la Miviludes pour reformer cette cellule d'Emeter. Oui. Ah bon, apparemment, ils ont quand même gardé. Alors, la Miviludes, c'est pour lutter. Alors, Demeter, à ne pas confondre avec le... Le label, oui, alors c'est un label normalement d'un bio de la biodynamie. C'est vraiment au lieu du logo AB, d'ailleurs ça peut se cumuler, c'est les agriculteurs qui sont en bio, mais en biodynamie en plus. C'est-à-dire des pratiques un petit peu. Oui, voilà, c'est une façon de mise en place par Steiner dans les années 30, je crois. Et voilà, donc ils ont appelé ça comme ça. Je ne sais pas, c'était peut-être pour noyer le poisson dans l'eau. Et cette cellule d'Emeter, était censée veiller, parce qu'il y a eu tout un mouvement aussi qui allait filmer de ce qui se passait dans les élevages en batterie, les poules entassées dans des conditions abominables ou des bestioles élevées qui ne voyaient jamais le jour, enfin des conditions complètement hors sol. Et ça avait beaucoup gêné les producteurs de bestioles. Et il y avait... La Miviludes, donc pour parler de l'autre équipe, c'était pour lutter contre les dérives sectaires. Mais bon, finalement, je crois qu'ils l'ont quand même maintenu. C'est intéressant de voir qu'on en enlève une pour en mettre une autre et pour casser du défenseur de l'environnement. Oui, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas entendre l'écologie, on préfère la catégoriser dans le terrorisme. C'est ça, si je résume. Hein. Jean-Luc, tu voulais rajouter ? Bon, très officiellement, la cellule Déméter, elle a été créée, quand même, c'est une cellule donc, de la gendarmerie qui a été créée quand même par rapport aux nombreux vols qui sont commis quand même dans les fermes. C'est la version officielle. Après, qu'il y ait cette dérive par rapport aux éco-terroristes, c'est une chose. Mais très officiellement, c'est une cellule qui est prévue pour se battre contre les vols qui existent dans les fermes. D'accord. Et Nola, et après Claire. Ouais, justement, moi, ce qui me fait beaucoup rire, et surtout ce qui est très révélateur, juste poétiquement, de voir qu'on essaie de dissoudre un soulèvement de la Terre qui est propre, par exemple, au mouvement de la plaque tectonique ou des choses qui nous dépassent. C'est encore une fois une démonstration complètement désespérée et névrotique de notre état actuel qui n'accepte pas ce qui aurait besoin d'être mis en place et surtout qui voudrait contrôler des choses qui sont profondément incontrôlables de l'ordre juste de la vie, en fait, de la ramification, du mouvement, du besoin de décentraliser, du besoin de sortir de cette politique qui est complètement hors sol et d'avoir cette peur viscérale des mouvements de la Terre qui sont les soulèvements de la Terre. En fait, c'est... Moi, ça me fait beaucoup rire, quoi, juste si on regarde en termes de syntaxe. Et voilà, du coup, c'est très honnête, en tout cas, en termes de mouvement de leur part, stratégiquement, c'est pas du tout propice à nous, à nous faire taire, mais eux, en tout cas, ça révèle encore plus. Là, on en est quand même à une époque où le côté politicien de nos politiques ne font même plus d'efforts, en fait, pour cacher vraiment ce qu'ils font, et c'est de plus en plus... premier degré, en fait, ce qui se passe. Et c'est de plus en plus violent, ouvertement. Et en fait, je sais pas dans quoi on est en train de tomber, là, mais on est en train d'essayer de le décrypter ensemble. Mais c'est de plus en plus flagrant, en fait. Cette peur-là viscérale du vivant et cette fuite, en fait, de la responsabilisation de l'État. Et voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc. Effectivement, la création de la cellule Déméter, elle a été créée quand même aussi sous la pression de la FNSEA, peut-être dans un premier temps pour lutter contre tous les vols dans les fermes, mais aussi, et indirectement, et de plus en plus après, contre tout ce qui était soi-disant agri-bashing. Et aussi, contre, par exemple, quand on voit ce qu'a vécu la lanceuse d'alerte en Bretagne contre les algues vertes et tout ce genre de choses, c'est quand même bien sous la pression d'une agriculture conventionnelle qu'on voudrait nous imposer et dont beaucoup de gens ne veulent pas. Nous allons écouter Jean-Claude Vorgy dans une deuxième chanson et nous reprendrons le débat sitôt après. Qui passe entre nous et qui sans rien dire nous dit presque tout. J'ai besoin que vibre l'invisible accord, la corde sensible qui relie nos corps. J'ai besoin d'offrir des mots pour fleurir les cœurs à l'envers, pour guérir l'absence, les abcès d'enfance, l'éternel hiver. Besoin du langage, du feu de ses paroles, pour flamber les images et que la vie rissole. C'est une offrande en fraude, un cadeau clandestin, ces mots qu'on maraude pour en faire un festin. J'ai besoin d'entendre la vie se répandre instants fragiles, pour ne pas dormir, pour ne pas mourir en terre d'exil. Besoin que m'enivre quelques mots de Prévert, la beauté du givre qui vient farder l'hiver, la flamme au regard de l'enfant qui s'allume quand les mots fanfares s'envolent de sa plume. J'ai besoin de prendre, pour mieux le comprendre, l'indomptable temps, pour dans l'avenir savoir contenir chacun des instants. Instant de la route déroulant à loisir, certitude, doute et désordre et désir. Instants irréels, trop vite effacés, quand les plus cruels tardent à passer. J'ai besoin de croire qu'il est dans le noir bien d'autres soleils, que tout l'or qui dort est peut-être au bord d'un prochain réveil. Besoin d'imaginer que demain nous amène un monde dessiné d'une main plus humaine. Besoin de l'espoir pour avancer toujours, surtout quand l'histoire voile un peu le jour. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de larmes, j'ai besoin de vent. Besoin de frémir, d'émotion, de charme pour être vivant. Merci beaucoup Jean-Claude. Alors moi j'aimerais qu'on reprenne le débat quand même sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Effectivement, on parle d'écologie. Bon, quand on parle d'écologie, c'est simple l'écologie. C'est le respect du vivant. Jusque-là, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc, si je capte bien ce qu'on entend, puisque moi je ne suis ni une militante, ni je suis juste une personne lambda qui observe, je vois une chose, c'est qu'en fait l'écologie a le droit de vivre, à condition évidemment qu'elle rapporte de l'argent. C'est-à-dire que, si je comprends bien ce que j'ai vu en étudiant ce sujet avant de lancer le débat, Lafarge rapporte beaucoup d'argent à l'État, hein, d'accord ? Donc lui, on lui met une dérogation, je ne sais plus si c'est 40, je ne sais pas quoi, enfin bref, il a droit à 80, il y en a d'autres données qui sont à 120, lui il a droit à 240, et puis il donne de l'argent dans les groupes terroristes, mais ce n'est pas grave, du moment qu'il rapporte, il rapporte, il rapporte. Bon, donc si je comprends bien, ce qui est intéressant, c'est quand même une question d'argent. Et donc, les soulèvements de la Terre seraient-ils des perturbateurs ? Ben oui, c'est des perturbateurs. C'est des perturbateurs pour un pouvoir. Donc, on est dans un monde de pouvoir. Donc, effectivement, ce sont des perturbateurs, des personnes qui... C'est un mouvement qui dérange des personnes qui veulent tous les pouvoirs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Effectivement, quand tu dis il faut que ça rapporte l'argent... C'est comme tout, il faut que l'hôpital rapporte de l'argent, il faut que l'école rapporte de l'argent, il faut que le social rapporte de l'argent. Et si je prends l'exemple du social, par exemple, on n'a jamais voulu vraiment financer la prévention. On a préféré plutôt la répression, la sanction, puisqu'on voit bien aujourd'hui que les prisons françaises sont remplies à 120%. Et on n'a rien fait de préventif pour éviter ça. Donc de toute façon, voilà, l'écologie aujourd'hui c'est plus que de la prévention. Et on sait très bien que ça va coûter et qu'il n'est pas question que ça rapporte. Même si effectivement il peut y avoir des terrains économiques ici ou là. Mais voilà, il faut faire avec. Et c'est sûr que l'économie dominant tout, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai vu que Sainte-Soline a quand même porté ses fruits. Apparemment, il y a beaucoup de bassines qui ont été interdites. 16, exactement. Oui, mais là aussi on gagne du temps. le tribunal de Poitiers a supprimé, enfin, a remis en cause l'autorisation d'une quinzaine de bassines, dont deux dans les Deux-Sèvres, la préfecture de Poitiers a fait appel. Le préfet de Poitiers est très proche de Macron. Il était responsable de la campagne électorale de Macron. Donc je ne me fais pas trop de doutes sur les suites judiciaires. Tous les départements de France s'attendent à avoir des bassines. C'est quelque chose qui n'est plus discuté. Dans la Drôme, il y a des bassines en préparation. Le seul sujet, c'est de savoir quand. Et alors, moi, ce que je voudrais dire à travers ça, c'est qu'on est tous gentils parce qu'on est des écologistes et qu'on a le respect de la nature et du vivant. D'accord ? Mais hier... il y a encore 3-4 ans, nous, les écologistes au sens large, on avait des modalités d'action qui étaient respectueuses du pouvoir. Depuis quelques années, ça dérape. Nous-mêmes, à notre petite échelle, on a fait une effraction d'un terrain de Nestlé, on a été mis en examen par le juge le procureur de la République d'Épinal, d'accord ? Pour effraction en réunion avec dégradation. Donc on voit bien que la criminalisation, elle est recherchée. Hein ? Mais pourquoi elle est recherchée ? Nous, on a le sentiment... de défendre la nature, d'être dans le bien. Mais en fait, on devient des ennemis politiques très clairs face à un système. Ce qu'on remet en cause, c'est le système. Alors on va l'appeler capitaliste, on va l'appeler capitalisme financiarisé, etc. Et en ce sens-là, on devient les principaux ennemis du système. Donc tout sera fait pour nous criminaliser. Et il faut maintenant, à mon avis, le plus grand enseignement, je regarde un peu Fred, mais le plus grand enseignement qu'on a tiré de ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre à Sainte-Soline, c'est les stratégies qu'ont mis en œuvre les soulèvements de la terre, qui ont bien fonctionné au départ, parce que ça a ramené du monde. Il y a eu 3 manifestations auxquelles on était, ça a ramené beaucoup de monde. Il y a un moment donné où on est tombé dans un traquenard, parce qu'on n'avait pas fait évoluer nos stratégies. Et on avait mis tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire de Sainte-Soline, enfin des Deux-Sèvres. Alors que, globalement, ils sont capables, sur le territoire français, de mobiliser 45 000 hommes. Et vous étiez 30 000 à Sainte-Soline. Oui, alors j'en avais mobilisé 7 ou 8 000, je ne sais pas combien. Mais ça veut dire que les monoluttes, comme le fait Sainte-Soline, en disant « maintenant, on axe sur les bassines », à mon avis, ça a fait la preuve. C'était très bien, hein, je ne remets pas en cause. Mais il va falloir diffuser les luttes en même temps en milieu urbain. Mais vous voyez que là, on devient... vachement dangereux et donc accessible à la justice, etc. Donc voilà, c'est un peu ça que je veux dire. Qui a quelque chose encore à rajouter à ce sujet ? Oui, vas-y, Aïssat. Ce que je veux dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et en particulier ce que tu viens de dire. C'est que pour moi, ça me rappelle juste que c'est comme si le système, ou en tout cas le monde globalisé, voilà, qu'on n'aime pas, c'est un peu une bête traquée en fin de vie qui est super dangereuse. Et pour avoir vu aussi un petit peu de loin toutes les luttes d'émancipation des peuples un petit peu partout, etc. et tout, on voit bien que en face, ces personnes-là, ces corporations-là, elles sont prêtes à tout, absolument tout, y compris des coups qu'on se permettrait pas, rapport à la morale ou quoi ou qu'est-ce. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ce qui veut dire que en fait, on est de fait dans une guerre un petit peu totale, et qu'il va falloir qu'on trouve des modalités de lutte. Et qu'une de nos chances, c'est justement l'unité et le fait de, comme il disait, que ça se multiplie un petit peu partout. Et je pense que c'est ça qui fait peur, parce que les soulèvements de la Terre, c'est exactement la pilule qui guérit ce genre de maladie. Moi, j'aimerais juste soulever un lièvre, là. On est en train de discuter, soulèvement de la Terre, d'accord. On est en train de discuter qu'effectivement, il y a 30 ans, 15 ans, quelques années en arrière, les gentils écolos qui faisaient des petites... Et est-ce que là, on ne serait pas en train d'assister à la naissance de ce qui ferait le plus peur au système actuellement, d'un parti, d'un mouvement politique qui pourrait prendre, entre autres, le pouvoir, de par sa ramification? Les soulèvements de la Terre, il y a une ramification qui est assez énorme. Donc ça regroupe beaucoup de monde. Et en même temps, est-ce que ça ne serait pas ça dont le gouvernement aurait peur, c'est-à-dire d'un mouvement qui pourrait s'avérer à la longue être politique, réellement politique, c'est-à-dire en arriver à pouvoir se faire élire? C'est une question que je me pose, Jean-Luc. Justement, enfin, moi j'ai pris un petit document là, qui s'appelle... Reprendre, démanteler, communiser. élément pour une politique terrestre du soulèvement. C'est un document qui a été élaboré par le groupe local du Calvados, voilà, qui est à votre disposition. Donc, en grande ligne, c'est reprendre les terres qui ont été confisquées par l'agro-industrie. Je lis juste les titres. Hein. Démanteler le complexe agro-capitaliste et les industries éco-suicidaires, donc du type Lafarge, totalement. Et troisièmement, donc, la construction donc, d'un nouveau système qui socialisé, mutualisé, communisé l'alimentation et le travail de subsistance. Ça, c'est un projet. Un programme politique. On ne peut pas peut-être dire que c'est complètement politique. Un programme, mais il y a des politique, prémices. Donc on en vient bien à un programme politique. Politique veut dire, au sens grec du terme, organisation de société. J'entends par là, hein, politique. Qui veut intervenir ? On vient de parler de la mort annoncée du système néolibéraliste, ou capitaliste, ou financier, enfin comme on veut. Donc il est en train de mourir. Et donc il faut absolument préparer le nouveau monde. Et la suite, avec une suite... pour que la vie puisse continuer, il faut pouvoir s'alimenter correctement, il faut pouvoir vivre en liberté, il faut reprendre la solidarité, donc la fraternité, et puis l'égalité. Chaque vivant est également vivant d'où qu'il vienne et qui il est. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les méthodes que l'État utilise actuellement pour réprimer ces mouvements, on le voit, ils sont vraiment à bout de souffle, ils sont en train de s'éteindre et c'est les derniers sursauts. Donc dissolution, elle permet de faire parler de ce mouvement, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est un moment un peu historique, hein, 2023. On a la retraite avec le vol de 2 années de la vie. On a plein de choses. Oui, mais c'est intéressant de voir. Alors justement, cette suspension de dissolution, c'est comment est-ce qu'ils vont finir par gérer ce problème ? Parce qu'il y a quand même un problème. Comment est-ce que vous voyez, vous, les... Alors, lambda que vous êtes peut-être ici parce que vous ne vous sentez pas impliqué spécialement dans ce sujet, comment vous voyez les soulèvements de la Terre des personnes d'autres personnes qui pourraient s'exprimer à ce sujet. Par exemple, Corinne, comment vois-tu les soulèvements de la Terre ? Eh ben je vois un mouvement d'avenir, en fait. Je vois que du positif dans tout ce que vous dites, parce que, en fait, ça se passe bien. Je pense qu'ils veulent nous nuire, mais en fait, ils n'y arriveront pas. Ça sera tout le contraire. Et ça me donne envie de rentrer dans la lutte, on va dire. Enfin, dans le mouvement, en tout cas. Moi, c'était plus pour rebondir. Enfin, depuis tout à l'heure, là, j'ai plein de ramifications intellectuelles. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'arriver à être focus sur la pensée et une seule, pas digresser, quoi. J'ai changé, en fait, avec un ami il y a quelques jours, notamment par rapport à la montée de l'extrême droite, en fait, et du fascisme, et en Europe en général. Enfin, moi, je vois vraiment... Alors, c'est pas pour refaire un point Godwin et reparler de la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai récemment... je me suis refait une série de documentaires sur la résistance, et clairement, pour moi... Enfin, Macron, en fait, en mars 2020, il a dit « nous sommes en guerre ». En fait, le système capitaliste néolibéral est en guerre, en fait, depuis plus de 40 ans, contre le vivant, en fait. Et concrètement, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est une résistance écologiste organisée et clandestine, souterraine, comme en 40, quoi. Et clairement, on n'y est pas du tout, en fait. Et en fait, dans un des documentaires qui est toujours accessible sur Arte, si vous voulez le regarder, il parlait d'un des mouvements de résistance, en fait, les plus importants... qui a été, alors pour le coup, pas dissous, mais démantelé, en fait. Alors, je ne sais plus c'était en 41 ou 42, mais c'était le mouvement de résistance du Musée de l'Homme, en fait, à Paris. Et moi, j'ai vraiment fait des gros parallèles, en fait, entre ces personnes qui se retrouvaient dans un café, en fait, à Paris, en disant « mais en fait, on va pas nous enfermer pour un délit d'opinion », et qui parlaient librement du fait que l'envahisseur allemand était pas du tout... en accord avec leurs valeurs humaines et qu'il fallait s'organiser en fait pour défendre le territoire. Et je vois exactement la même chose en fait. Alors évidemment, c'est pas du tout dans le même... Enfin voilà, je fais des parallèles, mais disons que je pense que les gens en fait ont du mal à se dire qu'en fait il faut vraiment une résistance écologiste organisée parce que l'envahisseur n'est pas c'est pas des troupes armées qui viennent dans un pays en fait. C'est un système qui colonise jusqu'à nos modes de pensée, en fait. Comme le fait, je pense qu'on est tous ici et toutes à essayer d'optimiser au maximum ses journées et son temps. Ça, c'est extrêmement libéral, par exemple, quoi. Et le fait de... Enfin oui, bref, après, je vais partir dans des trucs, mais... Non, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, on se trouverait à l'heure actuelle à un virage... Qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Moi, je dirais qu'en 39, personne n'a rien vu. Je ne veux pas faire de parallèle, mais je dirais que personne n'a rien vu. Ça, c'est un parallèle. Hein. Personne n'a rien vu venir. Hein. Les gens ont trouvé ça normal. Hein. Là, j'étais en train de lire un roman. En 37, le gouvernement français avait décidé d'expulser tous les étrangers polonais qui étaient venus travailler dans les mines autour de Calais, par exemple. Hein. Bon. Eh bien, c'est un début, hein. Mais bon, tout le monde disait ça, ouais, mais c'est normal parce que c'est des fainéants, parce que si, parce que ça, on trouvait des bonnes excuses. Mais ça avait démarré tout gentiment, en fait. Ah, mais attends, tu veux les héberger, mais attends, tu vas avoir des soucis. Ben oui, voilà. C'était des petites choses qui étaient dans la vie quotidienne. Donc, je ne fais pas un parallèle d'événements, je fais un parallèle de processus, d'accord ? C'est-à-dire que c'est effectivement assez, je dirais, limite. Parce que si on se bat pour des causes écologiques, hein, qui sont totalement, on va dire, légitimes, ok, et que en plus, vu qu'en face on a des personnes qui n'ont pas de répondant, qui en fait, c'est le cas de le dire, je ne vais pas dire quelque chose, mais causer, vous m'instructionnez, en gros, qui n'écoutent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent de la violence. On est bien d'accord, c'est normal, parce qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas entendu, ben vous finissez par taper, quoi. Donc, en fait, c'est je dirais, une politique de... On dénie complètement les écolos, c'est des babacoules, ils nous cassent les pieds, ils n'ont qu'à faire leur petite sauce, et puis voilà, et puis bon. Et on ne leur donne pas de choses. Mais en quelque sorte, je suis d'accord, par des moyens qui sont, font partie des neurosciences, qui sont, à l'heure actuelle, au service des grandes entreprises, alimentaires ou autres, hein, pour faire changer l'opinion des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est de la programmation, du conditionnement en gros. Oui, de la propagande, du conditionnement. Donc effectivement, de ce côté-là, on est dans une sacrée pente glissante, c'est vrai. Et c'est là que je rebondis quand je dis que les soulèvements de la Terre, est-ce que ce n'est pas, l'esquisse d'un mouvement qui pourrait faire peur au pouvoir ? C'est ça, les vraies questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que les soulèvements de la Terre, parce que nous voulons des coquelicots, ça a fait rigoler, d'accord, on les a éteints, on les a, sur les réseaux, on les a éliminés, on les a, voilà. Mais maintenant, ça revient indirectement. Olivier, après Vincent. Et justement, là, tu parlais du nom de... nous voulons des coquelicots et soulèvement de la terre. Alors, nous voulons des coquelicots, il y a quelque chose de très poétique là-dedans, très bucolique. Bon, c'est un peu les rêveurs qui veulent voir du rouge dans les champs de blé, quoi. Alors que le soulèvement de la terre, dans le nom, fait déjà plus peur. C'est le soulèvement de la terre et il y a quelque chose de très viscéral là-dedans et qui fait peur parce que c'est un soulèvement, c'est comme une lame de fond qui vient et qui, je pense que c'est ça qui fait peur. Mais aussi le fait que ça fait une coalition. Vincent et ensuite Jean-Luc, hein, je crois que tu as levé la main. Oui. Vincent déjà. Je pense que C'est un mouvement, comme on le dit tous, qui est irrépressible. Un mouvement qui vient du fond. Et ça vient de Gaïa. Gaïa, c'est la terre qui se révolte. C'est l'âme du monde qui réclame. Et à partir de ce moment-là, c'est quelque sorte d'ordre politique, bien sûr, mais je dirais global, presque religieux. C'est vraiment l'âme du monde qui réclame et qui s'exprime à travers les écologistes, à travers tous ces mouvements. Et on ne peut pas réprimer ça, on ne peut pas dissoudre. Et ça montera. Il y a vraiment une âme, un besoin de retrouver l'âme profonde des choses. Et là, je me réfère, on parle de poésie. Ben, par exemple, des poètes comme Giono, Maurice Potcher, par exemple, parlaient de l'âme des choses, parlaient de l'âme profonde. On peut se référer aussi à l'animisme qui est en Afrique et à confère aux choses, aux monts, aux arbres, une âme. Et en fait, il y a une âme. Et si on retrouve cette âme profonde et cette religiosité naturelle profonde, eh bien, on va vers ce soulèvement, effectivement, de Gaïa. Gaïa, c'est elle qui s'exprime à travers nous. Et j'ai beaucoup d'espoir dans ce mouvement des soulèvements de la terre. Mais quand on regarde l'histoire, chaque fois que le peuple a voulu se soulever, quand même, il y a eu une répression très forte. On peut penser ne serait-ce qu'à la Commune, par exemple, etc. Et je pense que ça ne va pas se passer tout seul, quand même, parce que le pouvoir tient à son pouvoir. Et la force qu'il y a dans les soulèvements de la Terre, c'est qu'effectivement, c'est un groupement de plein d'associations différentes, diverses, et que ça, c'est une force, quoi. C'est différent du mouvement des coquelicots, parce que, il y a tout ce monde-là dans les soulèvements de la Terre. Donc je pense qu'il y a une force là qui peut encore fédérer plein d'autres mondes, plein d'autres gens, mais je pense que ça ne va pas se passer tout seul, quoi, parce que le pouvoir tient à son pouvoir. Oui, et puis c'est le pot de terre contre le pot de fer. En pensant que le pouvoir, c'est le pot de fer, et que nous, on est les pots de terre. Eh oui. Oui, on est des bons pots de terre. Alors, juste deux points. En fait, bon, les soulèvements de la terre, c'est un mouvement qui se passe essentiellement en France, quoique il y a des comités locaux qui sont à l'étranger, en Belgique, en Suisse, ou voire même en Islande, en Italie. Donc il faut que ce soit un mouvement mondial, parce qu'en fait, même si on arrive à se battre contre la Farge et ces choses-là et le monde politique en place, on fait partie quand même du monde capitaliste. Et donc ça, il faut que ce soit le système capitaliste qui se casse la figure. Et moi, je voulais demander la parole parce qu'en fait, on se situe quand même, tu as dit, hein, le désarmement de Lafarge à Marseille, c'est en 2021, et on est dans cette période... Hein? 2022. 20, ça, le 10 décembre 2022. 2021. Ah bon, bah non, il y a des actions qui sont démarrées en 2021. Ah oui, non, d'accord, mais c'est la plus grosse qui a eu lieu. Oui, mais les soulèvements de la Terre, en fait, il y a des actions qui démarrent en 2021. Oui. Mais en fait, comme on dit, historiquement, c'est un peu grand mot, mais dans les dates, on est en plein dans cette fichue période Covid, ah oui, où on soumet la population à... Enfin, on teste la soumission de la population. Donc, on parle de résistance, hein, plusieurs fois là dans cet après-midi. Et en fait, les gens se sont opposés au pass sanitaire et à la vaccination, en termes de résistance également. Donc, il y a des liens à faire, il y a des choses à comprendre. Enfin, moi, le moment où ça arrive... Juste pendant ou post-Covid, enfin bref, dans cette période de... Là, il y a une soumission au capitalisme, hein, quand même. par l'économie qui demande à polluer encore et encore. C'est une soumission aussi qu'on nous impose. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Vincent, niveau poésie, niveau Gaïa et tout ça. Au début, quand j'ai entendu parler, moi, de ce mouvement des soulèvements de la terre, ça m'a fait penser à Germinal, de Zola. Parce que c'était vraiment, au début, tout à fait impréparé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en fait, quand on voit tout ce soulèvement ouvrier du 19e siècle, qui a quand même été long, douloureux, avec des grèves et des fusillades et des répressions, qui a quand même abouti à certaines choses, bon, bien sûr, hein, pas beaucoup, mais moi, ce soulèvement, le mot soulèvement de la terre, ça me fait penser à Germinal, que c'est comme une onde qui ne peut plus être arrêtée, quoi. Tout à fait, oui. Et puis là, ça vient vraiment des tripes, je pense. Bernard. Je voulais dire deux, trois petits trucs. Il y a eu le Festival international de géographie à Saint-Dié. Eh bien, Léna Lazare, qui est dans Terre de lutte et qui est une des porte-parole des soulèvements de la Terre, a été censurée et n'a pas pu s'exprimer. D'accord. Et nous, il y a 2 ans, avec Jean-François Fleck, on avait modifié le titre de notre intervention sur l'eau qui comportait Nestlé. Et on s'est aperçu en venant en conférence qu'on nous avait enlevé Nestlé. Donc, je veux dire, c'est par des petits actes comme ça, qui ne sont pas des actes de résistance du tout. Au contraire. Ce qui montre bien que la soumission est diffuse. Je voulais juste dire un truc que je crois que tout le monde a bien conscience, parce qu'on nous l'a dit, que le système allait s'effondrer. Moi, je ne sais pas quand. Si vous savez, moi, j'ai 70 balais. Je pense que je ne le verrai pas s'effondrer. Donc, les plus jeunes, vous avez du souci à vous faire quand même. C'est Gramsci qui disait que un vieux monde meurt, un nouveau monde arrive, et entre deux naissent les monstres. C'est les monstres des holocaustes différents. Il y en a eu plein. Et c'est ce qui est en train de venir en France avec les musulmans. Enfin, au passage. On va les foutre dehors avant de les brûler. Je ne sais pas ce qui se passera. Alors, le réseau de la résistance du musée de l'homme, il est intéressant. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'identité numérique. La grandeur de la résistance, ça a été les faux papiers. D'accord. Jean Moulin, il n'aurait pas tenu 8 jours. Donc, comment on va faire dans ce contexte d'identité numérique, de surveillance de masse? Moi, je bossais dans l'assurance maladie avec des systèmes d'information. On est capable de repérer un Vosgien qui circule à Marseille, qui a grillé un feu rouge alors qu'il était en arrêt maladie chez lui, ici. Donc, on a maintenant, avec l'interconnexion des bases de données, on sait tout en termes de surveillance de masse. Tout, tout, tout. Donc, ça va être vachement compliqué. Justement. Les 150 activistes qui sont intervenus dans l'usine de Lafarge, justement, apparemment, sont extrêmement bien organisés parce qu'on n'a pas réussi à les trouver, ne serait-ce que par... Ils ont tout passé sous écoute, les SMS, les trucs, les machins. Ils n'ont pas réussi parce que, justement, maintenant, ils commencent à savoir comment passer à côté des gouttes. Oui. Fred. Non, mais ça, je me suis quand même documentée avant de faire l'émission. Laissez vos portables chez vous. Comment ? Laissez vos portables chez vous. Oui. Ben là, l'émission va passer à la radio, donc... On ne cherche même pas à se cacher. Non, mais quelque part, il vaut mieux pas chercher à se cacher. Il y a des moments dans la vie, on a encore le droit de s'exprimer, on s'exprime, point barre. Fred. Ouais, moi, je voulais reprendre par rapport à... J'avais entendu le mot point Goldwyn, machin. Je trouve qu'il y a... Parce que dans la censure, il y a aussi la fête de mettre des choses en lumière et puis mettre d'autres dans l'ombre. Quoi. Et qu'il y a des... je reviens. Il y a des mots-clés qui permettent pas les discussions, qui les fracassent comme complotiste, il faut pas polémiquer, point Goldwyn. Alors que pour moi, c'est hyper important, l'expérience, faire appel à la mémoire... permet justement de mieux appréhender et de comprendre l'avenir. Quoi. C'est comme là, par exemple, pour mai 68, tout le monde, on nous bassine tout le temps avec la Sorbonne et puis des personnes dont j'ai aucune estime, comme Monsieur Cohn-Bendit, tout le Bastring, machin, et Bidule, tout le monde est au courant de ça, mais on met... par contre, on va mettre sous le tapis qu'en 67, la Bretagne, les paysans pauvres se sont révoltés et ont assailli une préfecture, quoi. Et qu'en fait, c'est là que ça a démarré, quoi. Et que, en fait, actuellement, je trouve qu'on pourrait faire le parallèle et que c'est un peu le même cas où le mouvement est un peu venu de Bretagne, tout le bastrin, et que ça commence à quand ça commence à chatouiller l'Est, qui est un peu plus embourbé dans la propagande patronale, machin, c'est que c'est chaud, quoi. C'est que ça. Mais moi, ce qui fait un peu plus peur, c'est que on a vécu, il y a eu mai 67, et puis qu'on se retrouve de nouveau dans la même problématique. Quoi. Oui, c'était, on dit, l'aperçu avant l'impression. Florian et après Marie-Michel. Donc faire gaffe à l'amnésie, quoi. Oui, voilà, faire gaffe à l'amnésie. Florian, puis ensuite Marie-Michel. Merci. Oui, moi je voulais encore soulever une question. C'est... Si les soulèvements de la Terre, finalement, arrivent à leur objectif, démanteler, on va dire, le système agro-capitaliste, est-ce que derrière, on est prêt à avoir une gouvernance qui soit finalement légitime ? Enfin, pas légitime dans le sens légitime, mais plutôt opérationnel, merci. On parle de révolution. Mais moi, ce que je vois, c'est que déjà, nous, à notre échelle, on a du mal à s'organiser. Si le mouvement se politise avec des arguments, on va dire, plus que pertinents actuellement, qui nous dit qu'au bout d'un moment, ça ne va pas être dévoyé de l'intérieur, ou alors par des subventions de milliardaires qui vont y voir un intérêt. Enfin, on est là, et puis on voit déjà à l'échelle d'un tiers-lieu comment on n'arrive pas à s'organiser, comment les jeux de domination reprennent facilement le pouvoir. Alors un collectif d'associations qui aujourd'hui, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Comment on ne va pas savoir qu'on ne va pas tourner vers un autre type de totalitarisme ? Je prends un exemple, finalement, la norme RT 2022, pour les personnes qui sont un peu dans l'autoconstruction, qui, au nom de l'écologie, met en place des lois qui, en fait, ne vont pas pour l'écologie. Mais en fait, ça va juste être plus contraignant. Moi je pense qu'on a encore besoin de beaucoup plus s'organiser, apprendre quels sont les modèles de gouvernance et aller à l'essentiel. Pour moi, un mouvement qui se nationalise trop, voire qui va au-delà en plus d'une nationalisation du national, on perd le côté local finalement qu'on cherche à la base. Oui, mais avant qu'on arrive, alors je comprends bien ce que tu dis, mais je rebondirai juste là-dessus, avant qu'on arrive au côté local, je pense que s'il y avait un petit coup de balai donné au national, ce serait un peu plus propre quand même. Qu'il y aurait quand même une nécessité d'un gouvernement qui arrête d'être mené par le bout du nez par les lobbies. Il faut être honnête. Ça serait déjà un bon commencement sans aller jusqu'à la perfection. Après, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait revoir les choses locales. Mais déjà, un petit coup de balai, ce que je pense qu'ils ont... Enfin, moi, c'est un avis très personnel. Que les soulèvements de la terre font peur parce que c'est des regroupements de plusieurs, organisations, associations ou autres. Ça peut effectivement grossir en mouvement politique qui peut effectivement, à un moment donné, s'avancer sur la scène pour nettoyer un petit peu. Il y a des personnes qui parlent de la venue, à un moment donné, d'une dictature écologique. Parce qu'effectivement, il va falloir faire le ménage. Non, mais il y en a qui disent ça. Non, mais les gens qui sont contre te disent, oui, mais on va... On est des Khmers verts. Hein. Comment ? Ils disent qu'on est des Khmers verts. Oui, voilà. Donc y a quand même quelque chose d'ordre de ça. Donc, je pense que... je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, pour rebondir sur ce que tu as dit, qu'il y a du travail à faire. Mais il y a déjà à nettoyer quand même un petit peu à l'étage. Oui, oui. Marie-Michel, je crois, maintenant. Il y a plusieurs aspects que j'aurais aimé aborder. Le premier, en parlant de politique, justement, quand on regarde ce qui se passe rien qu'au niveau d'Europe Écologie Les Verts, ça ne fait pas envie, quoi. On se rend bien compte que c'est la guerre des chefs et que tout le monde se tire plus ou moins dans les pattes, même si par devant, ça se fait des sourires. Alors, même quand on a une sensibilité écologiste, on n'a pas forcément envie de suivre la bannière écologiste politique. Ça ne donne plus envie. Et on se retrouve bien en difficulté, même en étant avec des sensibilités de gauche, de savoir derrière qui se rallier. C'est très compliqué. Quand on voit les querelles, par exemple, de la NUPES, et puis on se rend compte que finalement, il y a des partis traditionnellement de gauche qui ne sont plus du tout de gauche, désolé. Et puis on se rend compte qu'on a un parti d'extrême droite, pour ne pas le citer, le Rassemblement National, qui est presque plus au centre que notre équipe de centre qui, avec Darmanin, prétend que Marine Le Pen est trop molle et qu'il faut qu'elle prenne des vitamines. On se rend compte que les anciens paradigme ne fonctionne plus du tout et qu'on est obligé de réinventer quelque chose de complètement nouveau. Alors ça promet bien du pain sur la planche, car avec tous les éléments avec lesquels on a élevé, bon, entre guillemets, nos jeunes depuis des années, enfin nous les années 60, on a commencé, mais ça a été de mal en pire, on a incité à écraser le voisin pour se promouvoir un peu plus haut. Je crois qu'il y a quand même un état d'esprit sur de nombreuses générations. Il faut peut-être attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe de vraiment, je ne sais pas moi, formateur, et puis qui fasse qu'on arrive à faire tabula rasa de tout ce qu'on a ingurgité comme mauvais schéma de fonctionnement. Donc voilà, ça c'était un aspect sur la politique. J'ai un autre point à aborder qui est connexe, même s'il n'est pas complètement en rapport. Vendredi soir, à Épinal, à l'espace court, s'est tenue une conférence au sujet de la sécurité sociale de l'alimentation et qui se base sur ce que Ambroise Croizat a mis donc juste après la guerre avec l'équipe des Jours Heureux pour mettre en place ce qu'on a connu de la sécurité sociale à un moment donné, qu'on est en train de détricoter et qui commence à partir un petit peu de plus en plus. Et voilà, donc il y a quelques idéologues qui s'appellent CGT, Confédération Paysanne, les Amis de la Confédération, Attaque, et le Réseau Salaria, à ma connaissance. Les mêmes qu'on retrouve au soulèvement de la terre. Pas tout à fait, mais voilà, il y en a les autres. Attaque, pareil, voilà. Et donc, il y a eu un speech assez intéressant, ça s'est débattu, enfin, il y avait une forme de table ronde pour introduire le sujet, en présence d'un auteur de... Bernard Friot. Non, le petit jeune, là, qui a écrit avec Laura... Kevin et Laura. Bon, Laura n'était pas là, mais Kevin a exposé un petit peu les grandes lignes de son bouquin sur sa sécurité sociale. Régime général. Régime général. Bon, c'était très intéressant et la conf a pris la parole également en disant que la moyenne des revenus des exploitants agricoles, 600 euros par mois, soit à peu près le montant d'un RSA. Donc, on parle d'une moyenne. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont beaucoup plus, il y en a peut-être qui en ont beaucoup moins. Le gros avantage, c'est que peut-être ils arrivent à vivre de ce qu'ils produisent, s'ils ont un peu de terre et un peu de... Voilà. Mais ça fait quand même pas beaucoup d'argent. Et que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et là, avec ce qu'on nous impose d'être dans un système et d'être de plus en plus des consommateurs, et avec les moyens de plus en plus disproportionnés, où on nous impose, les exploitants agricoles, d'ailleurs, c'est pas à toi que je vais apprendre, Catherine, que les agriculteurs sont obligés d'acheter des tracteurs toujours plus neufs, et de faire de la dette croissante. Voilà. Donc, effectivement, il y a un grave problème à ce sujet-là. Et je pense qu'on va arriver, de toute façon, à déjà cri, parce que voilà, le porte-monnaie risque bien. Ah, il y aura les soulèvements de la Terre Gaïa et les soulèvements des habitants de la Terre Gaïa. Ça, on est d'accord. Plus rapidement qu'on imagine, ou en tout cas pas comme on l'aurait imaginé, ce qui est encore plus sûr. Souvent, c'est pas comme on l'imagine. Et Nola ? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Moi, en fait, ça, j'ai toujours la même colère qui monte à un moment donné entre un sentiment de manque de concret et d'impuissance aussi, parce que je sais que nationalement, là, ça, c'est, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'arrive pas à trouver une solution, et je pense qu'il faut qu'on soit des milliers à trouver un moyen de s'organiser, parce que comme dit mon ami, on a besoin de s'organiser. Et concrètement, nationalement, je vois pas comment on peut faire pour le moment, et je sais pas si c'est une chimère avec laquelle je suis en train de me battre, mais je pense que clairement, moi j'ai besoin, là en sortant de cette entrevue tous ensemble, qu'on ait aussi, qu'on s'organise concrètement localement, parce que là, j'en ai marre de passer du temps à enfoncer des portes ouvertes. On constate des choses, on injecte tout un tas de culture, de faits historiques, de mémoires. C'est super, on connaît notre sujet, c'est magnifique. Je suis super contente de réviser avec vous tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Merci Enola. Je crois que là, tu nous as ouvert sur la troisième partie du débat qui viendra après la chanson de Jean-Claude Vorgy que va nous interpréter Jean-Claude. Et donc, la troisième partie du débat sera consacrée à « Et maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait vraiment de concret ? Chiffons et cartons pour toute demeure. Se demande-t-on s'il vit ou s'il meurt. Les nuits sont si longues, le froid et la pluie. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. Peut-être a-t-il connu l'amour et la richesse. Le voici mis à nu, qui compte ses pièces. C'est tout juste une ombre jetée dans le puits. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. C'était un ouvrier qui savait de ses mains faire jaillir et briller l'utile au genre humain. Il s'aide dans la pénombre, il fait partie du nombre de ceux qu'on sacrifie. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. C'était un paladin qui n'avait pour fortune que deux ou trois refrains et l'amour pour quelqu'une. Il s'est dans la pénombre comme évanoui. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. Peut-être cultivait-il valeureux paysan, un coin de terre fertile, déprécié par les ans. Il en a fait sa tombe, rejeté et conduit. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. On célèbre, on vénère tant de gloires factices qu'on pleure et qu'on enterre sous des feux d'artifice. Mais le modeste sombre, seul au cœur de la nuit, un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. Un pauvre qui tombe, ça ne fait pas de bruit. Merci beaucoup Jean-Claude. Que non, te sauve. Ah oui, je voulais vous présenter quelque chose. Un lieu culturel dans les Vosges, que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Sur Terre. Vous avez déjà entendu parler ? Non ? C'est à Viménil. Viménil, ça se situe vers Grandvillers, par là, voilà, pas loin de Bruyères. Et donc, c'est une personne qui s'appelle Marine-Antoine qui a créé ce lieu chez elle. Et dans ce lieu, on y trouve plein de choses. Il y a de nombreux ateliers, des ateliers qui parlent du papier, du dessin, du textile, des ateliers sur la nature. Et puis, il y a aussi des spectacles. Voilà, elle organise des concerts. C'est une très belle maison. Et elle organise à la fois des concerts et des expositions. Le combien ? Le 18 et 19 novembre, je serai présent sur Terre pour animer un atelier qui s'appelle « Écrire une chanson ». Voilà. Voilà, bravo ! Merci. Donc, on recommence la troisième partie du débat. Alors, la troisième partie du débat, c'est effectivement, localement, on est en train d'ouvrir des portes ouvertes. J'aime bien le lapsus. De principe, puisque ici, nous sommes tous plus ou moins des écolos bobos, des écolos. Et localement, qu'est-ce que représentent les soulèvements de la terre localement ? Qu'est-ce qui se met en place ? Qu'est-ce qui... vous pouvez parler d'initiatives qui vous concernent ou de choses que vous connaissez ou de sujets qui soient plus locaux. Voilà, je vous laisse démarrer. Alors moi, ça va être un truc très un peu humoristique parce que c'est des gens des soulèvements de la terre qui m'ont aidé à déménager. Donc, quelque chose de concret. Enfin, c'est pas que des personnes des soulèvements de la terre, mais dans le fait de créer des liens en fait de manière locale, c'est aussi pour des soutiens comme ça et des coups de pouce et de l'entraide. Donc voilà. Le soulèvement de la terre, c'est aussi de l'entraide. Bien, très bien. Ça déménage. Voilà. Qui parlera encore d'autres... comment ils voient les soulèvements de la terre localement, au moins ? Evelyne, tu n'as rien dit. Comment vois-tu les soulèvements de la terre localement ? Quand Stéphane, il parle des derniers sursauts du pouvoir en place, moi, je n'y crois pas du tout. Hein. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup se battre. Hein. Vraiment, parce qu'on a fait de nous quelque chose d'extrêmement fort, hein. Donc il va falloir être déterminé. Pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu vraiment parler d'action des soulèvements de la terre autour de moi. Alors, je ne sais pas, je suis venue aussi ici pour voir, pour entendre, savoir ce qui se passe. Bon, il me semble que plutôt que vouloir combattre un ennemi, il faudrait s'en détourner et prendre véritablement une autre direction. Mais ça suppose de changer individuellement nos modes de consommation, nos modes de vie, tout simplement, quoi. C'est en changeant individuellement nos modes de vie que... la bête perdra de son pouvoir parce que c'est nous qui lui donnons son pouvoir aussi. C'est tous nos actes quotidiens qui sont comme... Comment dire que je ne condamne pas, qui sont nos actes de vie, mais qui... à remettre en cause nos actes quotidiens. On passe la parole à Philippe. Je reviens sur les moyens d'être informé un petit peu de ce qui est lié au soulèvement de la terre, et notamment c'est toutes les luttes. Et il y a un site que, enfin moi je trouve très bien fait, c'est le site Reporter. Donc c'est sur la carte de France et répertorié tous les endroits où il y a des luttes. Moi, pour ma part, c'est de rentrer au moins dans une lutte dans ma région. Si je peux rentrer dans plusieurs luttes, c'est tant mieux. Après, j'ai pas le don de l'ubiguïté non plus. Mais moi, je pense que c'est un moyen. Après, Moi, je suis particulièrement attiré par le système de gouvernance qui s'appelle le holarchisme, avec un H, qui provient de holon, du grec holon, tout ou partie d'un tout. Et je vois les soulèvements de la terre comme un holon, au même titre que nous, en tant qu'individus, sommes des holons, qu'une famille est un holon, donc en fait, une genre d'imbrication qui part d'en bas, donc de nos plus petits organes, de nos atomes, et qui définissent finalement le modèle d'organisation de notre corps humain. Et finalement, par exemple, le holon, ça a été décrit dans le livre d'Arthur Koestler, Janus, où il décrit que pour une société soit équilibrée et saine, il faut que chaque holon ait un équilibre entre sa capacité d'autonomie et sa partie d'intégration dans le holon au-dessus. Donc, pour que, on va dire, une société soit, un système soit stable avec, par exemple, que ce soit les soulèvements de la Terre ou n'importe quel autre gros organisme qui englobe tout ça, il faut qu'en fait, nous-mêmes, on s'y retrouve et qu'on ait un poids là-dedans. Et ça a l'air d'être le cas, il faut que ce soit maintenu en tant que holon inclusif. Intéressant, merci. Allez, Axel. Alors moi, je suis venue ici justement pour en connaître plus au sujet du soulèvement de la Terre. À vrai dire, j'ai toujours pas compris exactement quelle était sa définition, mais de ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que ça regroupe et que ça vous regroupe. Alors, je sais pas si moi je débarque dans les Vosges parce que le mode de vie que j'avais actuellement me convenait pas, mais j'en étais pas consciente. Donc là, je suis Florian ici et je découvre un peu ce que c'est la vie ici, avec tout le côté alternatif. Alors, je peux te donner une définition très courte. C'est un espace de réflexion et d'action autour de la notion du vivant. Ok, et j'ai toujours pas compris la structure juridique. Il n'y a aucune structure juridique, c'est un mouvement. En fait, dans le sens mouvement qui bouge, de diverses associations ou organismes. Et il n'y a absolument rien, c'est horizontal. Il n'y a pas de tête. Il n'y a absolument pas de tête. Mélanie. En ce qui me concerne, mon caractère très sensible fait que j'ai très peur de toute confrontation, violence. Et rien que le mot lutte, je sens qu'en moi, il y a une lutte. Voilà, ça me convient pas. Néanmoins, je ne peux que me sentir en accord par rapport à toutes ces actions dont on parle cet après-midi dans la défense du vivant. Voilà, pour moi, les soulèvements de la Terre... Je regarde un peu de l'extérieur parce que je ne peux pas me sentir, moi, dans une action au sens lutte, confrontation. J'y regarde quand même avec une grande admiration parce que, justement, comme voilà, moi, je ne peux pas le faire. Je suis très, très reconnaissante face à des personnes avec d'autres caractères parce que je sens très bien l'utilité et qu'on arrive au bout, comme on a dit. Au bout d'un moment, quand on n'est plus écouté, eh ben, on a envie de crier et puis de tout arracher. Voilà, je comprends. Et du coup, de mon côté, c'est... en gros, je continue ma petite vie. C'est plus comme le disait Olivier, de me détourner plutôt de ce qui enrichit le système pour cultiver, protéger le vivant à mon échelle dans des actes de tous les jours. Alors, localement... moi, ma terre, elle glisse plutôt derrière chez moi que se soulever, mais voilà, je suis toujours du côté du plus faible, et puis voilà. dans la recherche de la légitimité, puis voilà, dans la main tendue à toutes les actions qui iront dans le bon sens pour construire le monde de demain, voilà. C'est gentil, merci Marie-Michel. Localement, il existe un groupe local du soutien au soulèvement de la Terre, qui se réunit de temps en temps. Il y a une adresse mail qui s'appelle Vosges en lutte, @riseup.net. Vosges en lutte. Vosges en lutte, d'un seul mot. @riseup. Enfin, Rise. Mais ouais, j'ai en lutte. C'est pas, non, c'est pas la Vosges. C'est pas la Vosges, c'est les Vosges. C'est Vosges. Donc, en fait, il y a déjà eu une réunion où, effectivement, on a fait le point sur les luttes vosgiennes existantes. Donc, du genre du col des haies, du genre. Col des haies au-dessus de sur Moselle. Voilà. Donc, ça existe. Oui. Stéphane, une petite phrase pour terminer. Oui, donc c'est pas demain forcément que il va mourir, hein, le monstre là. C'est il va mourir, c'est sûr, mais on sait pas quand. Et les derniers soubresauts, c'est les derniers soubresauts connus. Localement, qu'est-ce qu'on fait quand on habite dans du béton en ville? Eh ben, de temps en temps, on peint une banderole et puis on va la mettre devant la préfecture. On se rassemble en soutien au soulèvement de la terre, et voilà, un peu partout. D'accord. Corinne ? Alors moi, j'avoue que le fait de dire que c'est une lutte m'inquiète un peu aussi. Mais bon, je pense que je pourrais dépasser mes peurs parce que j'ai vraiment envie de contribuer de la meilleure façon possible pour l'évolution de notre et la protection de notre terre. Donc, je veux bien me soulever. D'accord. On va passer à Inola. Oui. Inola. Oui. Alors, vas-y, exprime-toi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Oui. En fait, j'ai l'impression que par rapport à... Au-delà du mouvement soulèvement de la terre, c'est aussi cultiver une intelligence de l'humain qui est en soi et qui a en lien avec l'ami que j'ai avec moi ou le groupe que j'essaye de réunir pour, par exemple, faire intervenir un copain qui a tel ou tel savoir-faire, un autre qui a telle ou telle connaissance avec tel outil. Et localement, moi, c'est comme ça que je vois le soulèvement et que c'est, en fait, c'est un acte de création et non pas un acte de résistance parce que du coup, on n'est pas dépendant d'un âne mort ou d'un cadavre purulent au soleil. Là, on est en train de créer quelque chose qui vient de nous et qui fait sens. Et pour moi, c'est ça la manière de militer à l'heure actuelle, parce que j'ai pas encore non plus le mode de vie auquel j'aspire. Mais c'est cette ramification-là intelligente entre nous, cette vraie connexion, au-delà de la technocratie qui veut nous faire croire qu'on est connecté alors qu'on est de plus en plus en dissociation de nos corps, dissociation de notre libre pensée et surtout de cette importance aussi de reprendre pouvoir sur notre capacité à interagir intelligemment avec le monde et avec nous et avec le vivant, quoi. Donc voilà, c'est ça, moi, le soulèvement. D'accord, Mélo, veux-tu dire une petite conclusion par rapport à ça, ou bien non, ça va. Non, moi je voulais... Oui, vas-y. Non, mais c'était pour... Oui, enfin... pas rebondir mais rajouter c'est oui, tout à l'heure j'ai parlé du déménagement un peu humoristique, mais c'était pour dire que je sais qu'il y a des personnes sur qui je peux compter même si je suis dans la merde, en fait. Donc la merde, c'est pas ce que je voulais dire à la radio, mais du coup ça sort comme ça. Mais c'est pour dire que de la même manière qu'en fait, dans les années 60, on pouvait appeler le paysan du coin parce qu'en fait, on avait besoin d'un coup de main pour rentrer notre bois, terminer les moissons. Enfin, c'est recréer des rituels, en fait, comme ça, en lien avec les saisons et les cycles naturels, en fait. Et on est complètement déconnecté de ça, notamment quand on vit en ville. Et de se référer, en fait, à des rituels comme, les jours, en fait... diminue et puis refaire des rituels aussi qui nous réunissent, en fait, et qui recréent du lien. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir beaucoup de mal à s'organiser. Et moi, je pense que le néolibéralisme a énormément, en fait, annihilé les liens, en fait, entre les humains. Alors, heureusement, ça n'a pas tout démoli. Mais l'individualisme, en fait, que ça crée... ça démolit aussi les capacités organisationnelles, en fait. Et c'est aussi... Oui, enfin, il y a des milieux où on est encore... on est très liés et très organisés aussi. Oui, oui, Je dis pas le contraire, mais dans moi, en tout cas, les collectifs que j'ai vus, je pense que c'est, en tout cas, ça demande plus de travail sur soi-même et en collectif que, par exemple, Enfin, je prends l'exemple du MLF dans les années 70. J'ai l'impression qu'il y avait en tout cas une cohésion et des communs qui se faisaient beaucoup plus facilement et naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des divergences de positionnement politique et qu'on est tout le temps d'accord, parce que sinon, on serait tous pareils et ça craint. Mais qu'en tout cas, c'est plus facile de s'organiser quand il y a plus de communs aussi à une échelle, pas que sur un réseau d'amis, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Mélo. On va passer le micro à Pierre. Ah non, parce que là, sinon, ça va être trop long. Je voudrais juste faire un truc. Suite à ça. Prends le micro. Petite aparté de Marie-Michel. Suite à ce qui vient d'être dit, j'ai parfois une oreille qui traîne. Donc, le groupe qui est actuellement un petit peu actif souhaite constituer un grenier des luttes, c'est-à-dire cultiver des bouts de terrain pour constituer un fonds d'alimentation. Alors, qui pourrait servir à nourrir des... Bon, ici, on peut déjà commencer à se ralentir pour vivre, et déjà un grenier de terrain. Oui, c'est-à-dire que c'est pour alimenter quand il y a un piquet de grève dans une usine, ou quand il y a des luttes comme les bassines. Voilà, donc ils sont en recherche de terrain et donc sur le site qui vient d'être noté avant, Rise Up, il y a moyen de contacter l'équipe et puis de proposer des terrains. Voilà. Merci. Pierre, on t'avait coupé la parole. Je n'avais pas encore commencé, donc c'est bon. au niveau des soulèvements de la terre dans les Vosges, donc moi j'ai participé à une réunion pour essayer de voir un peu ce que c'était. Donc je fais partie maintenant d'un réseau où je reçois des informations de ce qui se passe dans les soulèvements de la terre Vosges. Après, je ne vais pas développer tout ce qui est dit. Il y a beaucoup d'informations, peut-être même un peu trop pour moi. Je pense que simplement, pour qui veut faire quelque chose, il y a un choix d'action possible dans ce qui est proposé. Moi, je me limiterai juste à l'action antinucléaire parce que je ne saurais pas faire autre chose. Mais pourquoi pas donner d'autres coups de main aussi dans d'autres luttes. Voilà. Intéressant. Oui, peut-être donner un élément tactique des soulèvements de la terre. Il y a 2 ans environ, on était toutes les associations de soutien au soulèvement. On était réunis à Dijon dans un site qui s'appelle Les Lentilières, que certains connaissent. Et là, collectivement, je ne sais pas, on était une bonne centaine, on a fait le choix des actions à venir. Et les actions à venir, c'était les bassines des Deux-Sœurs et c'était les retenues collinaires de la Clusaz. Bah, regardez 2 ans après, il n'y a plus de retenues collinaires à la Clusaz. La municipalité a reculé, elle reviendra peut-être. Hein. Mais ça veut dire que ça a porté ses fruits. Et puis il y a eu une sacrée focale avec toute la monstruosité de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mais il y a quand même toute une focale qui est en train de déstabiliser la construction des bassines. 16 ans. Voilà, refuser. Alors, je le disais, j'apparaissais un petit peu pessimiste tout à l'heure, mais il faut s'attendre à tout, quoi. Oui, bah, ils vont venir à la fin. Voilà. Et dans ce que. Alors, bien sûr, comme Pierre, je suis allé au réunion de fondation ici, etc. Mais moi, je suis très pris par une lutte locale. Et ce que je voudrais dire, je suis intimement persuadé de ça. Qu'on fasse tout ce qu'on peut chacun pour se mettre en cohérence avec soi, c'est plutôt pas con. Mais ça sert à rien. Ce qui sert aux choses, c'est les luttes collectives. Tout seul, vous ne ferez rien changer. Nous ne ferons rien changer. C'est que par l'action collective. Et je voudrais juste donner le petit bilan de notre lutte contre Nestlé à Vittel. Moi, ça me prend 6 heures de mon temps d'éveil par jour, c'est-à-dire la moitié de mon temps d'éveil depuis 7 ans. D'accord, d'accord. On arrive à mettre... À oui, peu... je suis d'accord. Oui, oui. Alors nous, on nous traite d'activistes. Enfin, moi, j'aime bien le mot activisme, justement, parce que ça va dans le sens action. Mais je veux dire, on peut se raccrocher à des luttes locales, quelles qu'elles soient. Mais sans lutte locale, on peut penser global, ça sert à rien. Moi, je découvre le sujet aujourd'hui. Je suis bien contente d'ailleurs. Ça fait beaucoup à entendre d'un coup, mais quelque part, ça donne envie d'y réfléchir, mais fortement, et de voir à quelle place on a envie de se mettre, quoi, de se situer. Je suis quelqu'un qui boue souvent parce que ça bouge pas, et j'aimerais que ça bouge plus. Et si j'ai l'occasion d'intégrer quelque chose d'intéressant qui bouge vraiment, de faire quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres et pour la terre que je respecte encore plus qu'avant. Et voilà, je. Et puis d'y aller, quoi. Voilà. Aïssat. Yeah, yeah, yes. Yeah, Aïssat. Eh ben, en fait, comment dire, je pense que ce que je peux ajouter à ça, c'est qu'il ne faut peut-être pas négliger la dimension sociale de cette lutte-là des écolos, parce que encore aujourd'hui, pour moi, l'écologie, tout ça, c'est un choix. C'est des gens qui se permettent ce choix-là et qui peuvent le faire et qui sont un petit peu les locomotives. Et donc là, bah, on a du travail à faire. Et puis pour les soulèvements de la terre, ça représente, pour moi, c'est une promesse. Et après, je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus humble quand même dans ce qu'on veut faire. Et qu'on se rééduque. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, j'ai assisté à beaucoup de, enfin, à quelques-unes des réunions ici et là, à droite à gauche, et il manque souvent ce volet quand même social et le fait aussi que la France, c'est un territoire, c'est pas que la métropole, ça implique aussi d'autres territoires, c'est sur tous les continents, et que on aurait beaucoup à faire, à chercher, à comprendre cette histoire-là parce qu'elle est méconnue malheureusement. Donc là, bah, ça rejoint l'histoire coloniale, comment les peuples, les populations ont fait pour se sortir de ce truc-là, sachant qu'on y est encore, on est en 2023, et qu'encore aujourd'hui, ceux qui sont issus un petit peu de gens comme moi représentent une menace, et on est dépourvus par rapport à ça. Et on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes ressorts, on n'a pas le même vocabulaire, on ne va pas directement voir, checker les mails et tout ça, là, on est dans un autre rapport. Mais je pense qu'on a un intérêt à apprendre des uns des autres. Pour ça, il faut qu'on ait confiance un peu en nous, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus. Et donc, voilà, donc moi, c'est un petit peu là-dedans que, on va dire, j'essaie de tisser des petites choses, etc. et tout, mais je suis quelque part aussi un petit peu désespérée, mais ça me remonte le moral quand même de voir qu'on a, il y a les soulèvements de la terre un peu partout. Merci Aïssat. Fred? Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Une courte conclusion, très courte. Ben, une courte conclusion, ben, c'est... Je trouve ça bien, voilà. Les soulèvements de la terre, c'est... ça occupe, ça... ça stimule. Non, mais ça crée des rencontres et tout. Et après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça ne regarde pas tout le monde. Mais le... Hein? Il y a un groupe qui se monte à Belfort. Ouais, mais après, il y en a plein. Il y en a même sous le lit de Darmanin. <C'est>... Bon, alors, suivant. Vincent. Pour moi, j'ai été, depuis plusieurs années, de tous les coups devant la préfecture ou ailleurs. Que ce soit Gilets jaunes, que ce soit retraite, que ce soit avec Andreas et d'autres... même si c'est pas toujours le même propos, c'est en fait les gaz lacrymogènes, eux, le savent que c'est toujours le même propos. Donc il y a un soulèvement, et moi je dis qu'il faut participer à toutes les luttes, j'aime bien le mot, moi j'emploie le mot quand même, et d'autres bien sûr plus spécifiques, qui s'appelleraient soulèvement de la terre, mais toutes les luttes qui jaillissent de ce besoin de révolte, eh bien, il faut y aller, voilà. Pascal. Alors moi, les soulèvements de la terre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Il y avait la Confédération paysanne. Donc pour moi, ça représente des agriculteurs qui veulent cultiver autrement. Après, ben, effectivement, par rapport au fait que je connais Jean-Luc et Marie-Michel, je sais qu'ils sont dans cette lutte-là. Je ne suis pas allé aux réunions. Mais en fait, je pense que ça représente peu de personnes. Du coup, je me dis que c'est intéressant pour faire apparaître qu'il y a une résistance, mais le pouvoir, pour moi, je pense qu'il s'en amuse. Donc, en fait, il me semble que ça peut faire monter aussi la violence. Donc, et quand on a deux camps qui se rigidifient, on risque de faire monter la violence. C'est pour ça que je pense qu'il y a à mettre son énergie à la fois dans cette forme de résistance et dans la construction. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne aussi à construire pour éviter le pire, hein, il me semble. Hein, parce que l'histoire nous montre que ça a toujours été le pire, ça a toujours été les guerres. Qu'on a connu, donc peut-être qu'on pourrait faire autrement une fois dans l'histoire. Voilà. Alors, à proprement parler, bon, les soulèvements de la terre, moi, je partage totalement leurs valeurs. Je suis, on va dire, sympathisante, mais je vois ça un petit peu encore de l'extérieur. Je suis pas tout à fait prête pour des actions physiques, on va dire. Mais à titre personnel, j'ai pris une décision parce que, bon, moi, j'ai une activité professionnelle. Je fais partie d'un réseau Vosges Terroirs à la Chambre d'Agriculture et je quitte ce réseau au mois de décembre parce que la Chambre d'Agriculture et la FNSEA ne me correspondent pas et j'étais en porte-à-faux. Donc, le fait de quitter ce réseau, je reste au GAB. Donc, à titre personnel, ça me libère. Ça te positionne. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons écouter un texte de Vincent Descombis, ensuite la chronique de notre journaliste Filmo, et puis l'invité surprise du jour, Aïssat. Oui, parce que tout à l'heure, pour faire court, j'ai fait court, mais je n'ai pas rebondi sur l'autre aspect. J'ai parlé de l'aspect activiste qui me paraît nécessaire, mais un autre volet, ce qu'a soulevé Mélodie, l'aspect rituel, se plonger au contraire dans la terre et dans le mystère de la terre, je ne dirais pas la mystique, mais dans la profondeur, ça me semble aussi l'autre volet essentiel de ressourcement. Voilà. Indépendamment de ce que je vais dire là. Les soulèvements... Ah ben attends. Les soulèvements de la terre, c'est Gaïa égayant, Gaïa exacerbé, Gaïa illuminé, qui veut et ne veut pas et rejette, replète, complète d'énergie soulevée. Nous étions déjà soulevés à Fessenheim, où voile blanc, nous allions protester contre le crime nucléaire. Fessenheim, Fessenheim, Fessenheim. Nous sentions, et le glas de la terre, 20, 30, 40 ans après, nous précipite en précipice de rivières polluées. Crime, oh le crime, lorsque tu soulignes au crayon noir les yeux terreux de notre terre qui se terre à terre l'espoir perdu d'un monde heureux. Perdu ? Non, ce sont des pustules de feu folles qui volent, car le monde en a assez, c'est clair, et la vérité c'est clair, de la crise putière qui assassine notre atmosphère, et nous bassine. Saute mouton de la gavroche, c'est la révolte qui décroche le désespoir, le terme moche qu'on a signé à nous, pauvre cloche. Vive l'azur, grande débauche, et firmament à tout constellation clamée. Les soulèvements de la terre déterrent les cutéreux qui se terrent et misère. Les curés de pollution ont les douilleux qui pendent, mais quand elles s'assoient dessus, on leur botte bien le cul. Prébande, prébande, prébande! Et nous avons la casquette rouge de l'infini, de la non-agonie de la terre, et la casquette bleue des cieux où se déchaîne la hache de guerre, des soulèvements absolus, absolutifs de la mémoire, tirant les cheveux du soleil pour qu'il enrobe de vermeil tous nos espoirs et nos myriades de balades. Espère à toujours, car elle est absolue, mémère la terre, et nous, par terre, on révère son mystère. Gaïa y va, Gaïa, Yaya, époustouflée sur les rivages enflammés des humaines et mondiales espées, rance. Lorsque la vie, la lune danse, les océans entrent en transe, la création pousse son cri primal de axe flux qui traverse flèche intense. Oh, Mater Gaïa, la belle Chichi. Avec toi, l'amour, lève-toi, l'amour t'appelle à Chichi. Entre tes bras, le lango tangourdé, le tango tangourdé. Zéba, tu nous fais une belle âme, Chichi. Toi, la belle, la grande dame, Chichi, entre tes bras. Tu nous fais nous-mêmes enceintes. Tu nous fais nous-mêmes enceintes. tu fécondes la féconde Titi pour nous ronde et gironde Titi entre tes bras. Ah, nous on se pâme et on s'éclate. Rah. J'irai revoir ma terre antique, c'est le pays qui m'a donné le jour. Octobre rose, octobre rose, n'est pas rose, mais nous reste, mais nous, mais sera rosé si nous savons dire les ainsi, soit-elle qui nous tirera les bretelles pour nous hisser au lait et faire l'éternel printemps. Il sera un jardin qui s'appellera la terre, soulevé jusqu'au fond de son ventre profond, et elle rira bien qui rira la dernière, qui étonne et qui tonne, et nous met cul par terre, et international fera nous des humains. Maintenant, nous allons avoir notre chroniqueur Filmo qui va nous faire la chronique de la, enfin, de la soirée, de cet événement. Voilà. Comment l'a-t-il vu, lui, en tant que journaliste extérieur à la situation ? Alors, j'écris du 7 la chance au 23 de l'année, un petit texte que j'avais improvisé en quelques minutes. Et pour faire comme vous, initier mon idée à la suspension de la dissolution d'un mouvement. Alors j'ai commencé comme ça, on râle chacun dans sa cour de roi du rond, mais personne n'adapte de solution. Enfoncer des portes, eh ben, ouvertes, montée de colère, pousse à l'erreur, des violences en accident de bure par exemple. Cependant, aucune révolution n'a été perdue. Chacun participe à l'éveil de la pluralité, la surprise de l'entendement, dont la part de certains. La la la, chanter en chœur, je suppose aussi bien que Vincent, mais on va essayer. Notre rythme de percussion a chanté encore la solution, où certains dans leur box promulent à l'éventail une sorte de mille détails en ayant écouté avant. On parle le même langage, là où certains croient savoir, d'autres écoutent et parlent le même, en sachant eux comment surprendre. Encore d'autres, et maintenant, aimeraient bien savoir aussi, alors chantons l'ensemble. Le public est du nombre, de notre nombre. On est des milliers dans nos box, en attendant le moment provoquant. L'instant, le public suivra. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV nous aide à comprendre tout ce qu'on raconte, eh bien aujourd'hui on a un World Wide Web qui peut être white. Alors on a bien 4 pieds d'une table et pas 3. Et n'oublions pas de sauver les enfants de la faim, ils sont l'avenir de l'humanité. Premier, donc ça c'était moi. Maintenant à vous, les petits gars. Alors, merci à Jean-Claude. Alors ça c'est bien intentionné de nous intégrer en musique et en poésie. Félicitations à toi, vraiment le travail que tu as fourni. Alors là, personne n'envisage de dire que tu as fait ça dans un temps autant si court. Écrire et poétiser ensemble, et puis l'atelier dont tu parles, ça doit intéresser pas mal de gens, s'ils ont envie de s'initier. Pourquoi pas ? Donc bravo à toi. Et puis, oui, vous pouvez y aller, là. Alors, en intro, en 1936, eh bien, là, on entre dans le sujet. La poussière de la petite sœur, la Terre, l'écologie contestataire, met en danger la sécurité publique, les forêts de Dutronc brûlent, merde in France. Désarmement de la pollution, Bernard Olivier d'un constat délicat, Bernard là-bas caché derrière son miroir. Merci à toi Olivier d'essayer d'investir d'une mission, merci à toi Bernard d'avoir la capacité intellectuelle de le faire. Donc merci à vous tous de participer à l'activisme d'un octobre vert. Donc voilà. Et puis apparaître sous un nouveau nom, on pourra dire néo-culpa. Et puis, conseil d'État, la popularisation des actifs d'intérieur influençant la décision. Les extrêmes étant vécus, il faut les vivre. Quand vous aurez vécu toutes les extrêmes, alors vous recentraliseriez vos idées en vue de promulguer une solution, comme dit Enola. J'aimerais bien savoir ce qu'on va faire demain. Donc, c'est peut-être ça, avoir vécu toutes les extrêmes. Donc, on y va, là. Pof, on peut y aller. Tant pis si on se casse la figure, on se lèvera toujours. Une grande bande de potes, hein, y en a qui savent être infirmières. Il y a des infirmières parmi nous ? Merci à toi ! Parce que c'est comme toutes les guerres, d'abord on part au combat, puis après on envoie les infirmières. Hein. Donc si elles sont déjà là, ça nous évite de tomber par terre. N'oubliez pas qu'à Bure, on a quand même eu une drôle de relation avec l'État. L'armement prédit des résultats, 200 gendarmeries à ouvrir bientôt. Donc ça devient dangereux. Ligue des droits de l'homme, alors là je suis sidéré qu'on puisse s'en prendre à la Ligue des droits de l'homme. Révisons que 20 pays ont signé le traité de la reconnaissance des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme à l'époque, et que si on revient sur le sujet, ben, c'est l'investissement d'une détérioration mentale qui pousse au vice et à la destruction. L'étoile hexagone bleue et reine, la colère toujours présente, vive le plan de Fleur Tilleul, le seul moyen de se calmer un petit peu. Liberticide, chaos social, chaos puis rupture, puis surprise. Vous savez peut-être que dans un chaos, vous avez une rupture qui engendre la surprise. Donc si on est dans le chaos, on est peut-être dans la rupture en fait. Et la surprise demain, elle peut être de taille. De taille de fleur de tilleul. Non, c'est pas... Hein. Créer le débat mais dissolution par la création, qu'on a parlé des gendarmeries. Comment abattre un cochon qui se roule dans la boue? Petit harcèlement, petit branchement, s'il vous plaît. La politique politicienne, où est l'esprit humain dans l'exposition des tâches nouvelles? Quand l'ENA est fermé, qui veut étudier le sujet de rencontre des peuples? Eh bien, du 49-3 en décision personnelle, du givre de Desnos au cancre de Prévert, vous avez un sacré cœur. Près de Montmartre, hein, vous connaissez Prévert. Respect du vivant, l'écologie, antiterrorisme, prenons conscience de l'évolution de l'économie et du partage des connaissances et des traditions. Si vous avez des connaissances et des traditions, en les partageant, vous avez un rite nouveau et vous avez des idées qui surgissent. Donc ça me paraît, rencontrons-nous. C'est pas fini. Le travail des sourcés est le pendule des avenirs du sous-sol et magnétique stable devenir venu du ciel, contact terre et ciel et nous humains par un mental fort et positif. Préparer un nouveau monde. Fini le décollage néolibéraliste. Vive la satisfaction de tous, nos besoins du quotidien, confondus dans l'inconscient collectif. Donc, évasion riche. Lévi-Strauss vante l'anthropologie après avoir accumulé un accumulateur de tâches et de capital. Il a finalement eu honte et il a fait des djinns pour revendiquer autre chose que la guerre en de sécession. Et il a décidé l'anthropologie pour se rappeler de ce conneries qu'il avait faites. Et puis Philippe de Rothschild, n'oublions pas que lui, le grand copain à Macron, eh ben, il vend du vin pas cher. Il a décidé de faire pas cher, comme ça lui arrange un peu le système. Et puis, ne soyez plus des moutons de la domestication, mais plutôt des cadets combatifs. Et puis, c'est pas fini, là, c'est le vrai bazar, ça continue. Peur actuelle de la montée d'émeutes, récompensons le peuple d'un salaire équilibre durable et d'une fleur de récréation en thérapie acoustique chantée. Ouais, invitons des Vincent et fumons comme de la purée. Devenons musique, musicien d'une orgie de créativité revendicatrice. Bravo! Après une prise de la bataille, la prison est invisible. Camisole chimique, camisole militaire, uniforme, festin des caniches. Quel est votre animal préféré ? A-t-on demandé à Macron. Qu'a-t-il répondu ? Le chien. Non pas qu'il ait du chien, mais qu'il se prenne pour un caniche pour manger des uniformes, ça me plairait bien. Parce que le caniche, il dévore les uniformes, sachez-le. Si vous avez un uniforme et que vous rencontrez un caniche, vous allez vous faire foncer dessus. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Le soulèvement germinal de Zola, c'était bien de souligner, parce que c'est un peu ce qui nous arrive. Des femmes qui tombent de des proches, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire des femmes qui habitent dans un château, et quand elles voient la misère du monde, mais les beaux garçons, elles disent « Waouh !» Elles tombent. Et arrivées en bas, on ne les a jamais retrouvées. Et puis il y a Malataverne, c'est le même château, mais c'est les mecs d'en bas. Ils voient le château en haut, ils vont voir les belles nanas, mais ils n'ont jamais réussi à y aller. Et puis il y a quoi encore ? Ah oui, la Russie, le grenier du monde. Ah oui, la Russie, le grenier du monde, l'Ukraine, le grenier de l'Europe, et la France, le grenier à ranger des terrains à garder. C'est qui nous a dit des terrains à garder ? Ah oui, c'est madame là-bas. Excuse-moi, j'ai perdu ton nom. Marie-Michel. Oui. Des terrains pour le grenier. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et alors, ça s'appelle le foin-foin des foufous-fourches. Et après économie contre écologie, environnement, une culture se bat en calculant encore l'altitude du Mont Blanc dans un réchauffement pour l'hiver. Chez Camille. Camille, vous connaissez peut-être l'auteur Camille de théâtre, ou pas. Eh bien, il a écrit « Comment lire sous la douche ?» Et il avait un mot de passe. Ça serait peut-être ça qui serait le système qui pourrait nous envisager une communication facile. C'est d'avoir un mot de passe. Et lui, c'était « Talapataka ». Pourquoi pas ? Et plutôt que râler et enfoncer des portes ouvertes, calculons le devenir d'une association criarde au bien-être fou d'un humanisme dans l'âme, cueillons des cœurs débordants, des images, des sons comme Jean-Claude qui sourit de la nuit, le même lune pour tous. Et puis finalement, que faire maintenant ? Que faire maintenant que je suis mort ? Je reconnais toutes mes faiblesses, je veux aller au paradis et chanter avec allégresse. Eh bien, le soulèvement, ça déménage. On l'a bu. Quand on monte sur un vélo, il ne faut plus s'arrêter de pédaler, sinon on tombe. Eh bien, dans le soin du cheval de bataille, on termine toujours par la crinière. C'est comme on commence par la terre. Et puis, partageons nos connaissances, les ramifications sont exactes, de nature motivée, innovée, automotivation, marquée, appartenir à un groupe, pensée « unit », dans un rebirth renouveau, saisissez votre chance. Youhou ! Une BD qui retrace le parcours d'Antoine Deltour, qui s'appelle Fronde fiscale, et qu'on trouve à Épinal, notamment à l'Octopus, voilà, la librairie. Et c'est super bien, ça retrace vraiment très bien toute l'histoire. Voilà. Et maintenant, nous allons écouter Aïssat comme invité surprise, qui va nous clore le débat avec une de ses magnifiques chansons. À toi, Aïssat. Jam tan wodo. Jam. Jamtan wonido, jamtan jambala, tu tu tu tedi, tu tu tu tae tedi, tu tu tu tedi, tu tu tu tae tedi, may we salam shalom. Salam shalom, salam shalom, salam shalom. Jam tan do, jam tan do tam yung la, jam tan do, jam tan do tam yung la. salam, shalom, salam, shalom. Salam, shalom, salam, shalom, salam. Salam, shalom, salam, shalom, salam, shalom. Jam, tan, do. Jam, tan, do, tan, do, mo. Jam, tan, wani, do. Jam, tan, do, tan, do. Kolko had yum be fam de gol kongol. Kolko had yum be fam de bernde. Merci beaucoup, Aïssa. Merci à toi. Merci. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous souhaite un bon après-brunch, car il y a encore de la soupe qui vous attend. Merci à vous. Bravo. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. En espérant que vous ayez passé une bonne soirée en notre compagnie, nous vous disons à bientôt pour un autre sujet passionnant dans Associativement Vôtre qui nous fait réfléchir sur cette société. À bientôt, en compagnie de notre pianiste Auriel avec le Jungle. Merci.